Et nous accueillons aujourd'hui Céline Latassa de l'association Le Chant des Histoires. Et Céline en est la fondatrice. Bonjour. Bonjour Alain. Alors, c'est une association avec un joli nom, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, dedans? Dis-nous tout. Alors d'abord, je te remercie Alain pour cette invitation d'interview. Donc Le Chant des Histoires a été fondé il y a 11 ans, on y est. En 2015, ouais. À Anglet. Et c'est une association dont je suis à l'initiative avec des professionnels de la petite enfance, de la santé à l'époque et de l'éducation avec qui on avait envie d'initier une association autour de l'éveil artistique et culturel des enfants et notamment des plus jeunes. Et c'est comme ça qu'on a eu à cœur de démarrer cette aventure associative pour les enfants autour de la littérature jeunesse et du conte, donc de la tradition orale. D'accord. Et quand tu dis des jeunes enfants, ça commence à partir de quel âge ? Alors, on est très souvent en lieu d'accueil enfants-parents ou en crèche. Mmh. Et même, on accueille aussi des mamans avec des bébés dans le ventre. Donc, quand je dis tout petit, c'est... C'est vraiment tout petit. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, quels sont tout ce qui est proposé au sein de l'asso ? Oui, alors au Chant des Histoires, on a plusieurs pôles, on va dire, on appelle ça comme ça. Il y a un premier pôle d'accompagnement aux parents autour des histoires et des livres. Donc là, c'est qu'on met en place toute l'année des actions où les parents viennent avec leurs enfants. Donc de 0 à 3 ans, on a les matinées bébés, donc ce sont des familles qui viennent autour d'un moment partagé avec des comptines, des lectures et vraiment un moment chaleureux, convivial où l'histoire, qu'elle soit donc chantée ou lue, va être vraiment le vecteur social, le moment partagé, et aussi le parent va prendre soin de cet espace pour vivre avec son enfant un moment privilégié et où il va aussi, en tant que parent, se rendre compte de ce qu'il a aussi comme trésor intérieur, de ce qu'il peut offrir à son enfant au moment de la lecture le soir. De vraiment accompagner le parent dans sa fonction parentale, je pourrais dire, de tout ce qu'il peut offrir et partager et lui-même lire pour son enfant, chanter à son enfant. Et voilà, donc on a ce pôle d'accompagnement. Il y a aussi des séances pour les 3-6 ans. Donc ça, ce sont les matinées bébés où on retrouve à Anglet d'autres familles avec des plus grands, toujours avec cette envie de partage, de transmission autour des contes. Et puis, on a aussi une nouvelle action qui va arriver avec le tiers-lieu, la générale. Ça va être les mercredis, les raconteurs du mercredi pour les plus de 6 ans. Puisqu'au fur et à mesure, les enfants grandissent et suivent nos actions et sont assez fidèles aussi. Donc vous voyez, au fur et à mesure, de la naissance à plus de 10 ans, on les accompagne. D'accord. Donc le spectre est très large, on va dire. Voilà ça concerne tout le monde. C'est le premier pôle. Voilà, c'est le premier pôle. Après, il y a le pôle qu'on appelle médiation. Donc, dans ce pôle, ce sont toutes les animations où l'on va aller dans certains lieux qui nous accueillent, un centre de loisirs, une crèche, un centre social, une médiathèque. Voilà, des lieux soit culturels, soit sociaux, soit médico-sociaux où on va intervenir par des animations, toujours autour de la littérature jeunesse ou autour du conte. Et on a aussi la possibilité de sensibiliser les professionnels, donc des journées ou des demi-journées où je peux intervenir, par exemple, pour faire découvrir la littérature jeunesse, faire découvrir le trésor des contes et des comptines. aux professionnels pour vraiment les accompagner elles aussi au quotidien quand elles sont avec les enfants. Et puis on a aussi un troisième pôle, puisque depuis l'année 2018, nous avons une licence de spectacle. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui concerne le spectacle vivant. Donc on crée et on diffuse des spectacles pour les enfants. Ah, c'est chouette ça, oui. Ouais. Mmh. Voilà. Et ça se présente sous quelle forme, ces spectacles ? Eh bien, en fait, on a, avec Alice Renaud, qui est metteur en scène, on a créé notamment en 2022 un spectacle qui s'appelle Mon arbre-mère. Donc, c'est un duo musical et visuel où nous jouons. Et ce sont voilà, des spectacles que l'on peut proposer dans les crèches, dans les médiathèques, pareil, dans des centres de loisirs ou dans des théâtres. Et il y a aussi voilà, deux autres spectacles dont je pourrais te parler. Oui, ben, volontiers. Oui. Vas-y. Alors, il y a donc Mon arbre-mère, par exemple, si je reviens sur celui-là. Vraiment, on est dans les premiers pas d'un enfant. Donc, sur scène, on a un arbre qui a été imaginé par Karine Salaberry, qui l'a créé à partir des draps en lin de sa grand-mère, sur D'accord. laquelle elle a fait des dessins. Oui. Et cet arbre, en fait, on évolue autour de lui, sur le thème des quatre saisons et aussi de la première année d'un enfant. Avec une esthétique assez japonaise, où on chante d'ailleurs des comptines traditionnelles japonaises. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Après, il y a un autre spectacle qui s'appelle Petite bête et grande patte. Donc lui, je l'ai imaginé... Oui, joli nom. Je l'ai imaginé grâce à la rencontre avec Patrick Bleuzen, qui est un entomologiste et dresseur animalier, avec qui j'ai fait mes premières découvertes sur les insectes et les petites bêtes, et j'ai eu envie de créer un spectacle, un solo, plutôt sur comment sensibiliser l'enfant aux vivants, aux êtres plus petits, aux insectes, et aussi aborder des thèmes qui le touchent dans son quotidien. Donc au travers de ces insectes, je vais parler par exemple de la tolérance, de nos D'accord. rêves, de la recherche de l'amour ou des premiers émois par exemple. Et Oui, très bien. Oui, mais tu sais que sur Radio Côte Basque, tu sais ou tu ne sais pas, mais sur Radio Côte Basque, on est très sensible aux artistes et aux spectacles. Oui, voilà, justement. Fait. Et on a une émission qui s'appelle Radio Spectacle. Tu vois, donc voilà. Et tu me parlais d'un troisième ? Oui, alors ça, c'est De plume et de vent. Donc ça, c'est un spectacle que je vais proposer à partir du mois de juin. Donc là, on est plutôt sur un conte, toujours, par rapport à... On a vraiment une sensibilité sur notre rapport à la nature, à l'environnement et sur l'impact de l'homme. Et là, on est plutôt sur la sensibilisation à certains animaux protégés ou qui seraient en voie de disparition, pour lesquels, en fait, au travers d'histoires et d'une partie chantée, je vais... parler de Tom, un petit garçon qui s'envole avec son cerf-volant et qui va découvrir par son voyage dans les airs certains animaux dont je vais parler pour cette partie sensibilisation. D'accord. Et cette vocation artistique était venue, elle était présente avant l'association ou elle est venue au fur et à mesure que tu as lancé l'asso ? Eh bien, en fait, l'association a été fondée en 2015 et... après mes études et mes premiers temps en maison d'édition, j'avais toujours à cœur d'être dans des ateliers de théâtre. Oui. J'ai découvert aussi l'univers du conte à peu près en 2013-2014. Et en fait, je suis retombée, on va dire, dans la marmite aux histoires, dans D'accord. la littérature jeunesse. Et ensuite, j'ai ce que je fais toujours, participer à des stages autour de l'art du conte. D'accord. Donc ça fait quand même plusieurs années. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur les différentes cordes à l'arc de l'association ? Eh bien, J'aimerais aussi rajouter vraiment, comment dire, que pour nous, dans ce qui est important, c'est vraiment que les enfants sont les citoyens de demain et que cette association vraiment œuvre à notre échelle et à notre manière à leur proposer comment dire, des vecteurs d'émancipation. Voilà, la littérature ou les contes amènent vraiment la liberté d'esprit, l'apprentissage de la lecture, comment dire, c'est aussi une transmission de valeurs, c'est s'évader par l'imaginaire, c'est se raconter des histoires et c'est aussi et surtout des moments humains partagés. Que ce soit voilà, avec l'intervenante ou l'artiste, ou avec ses parents ou ses grands-parents. Et ça, ce sont vraiment. Voilà, ça fait partie de nos missions et de pourquoi on œuvre au quotidien. C'est, on parle, en fait, on a parlé en fait de la malnutrition culturelle il n'y a pas très longtemps, suite à des études faites par le ministère de la Culture. Et voilà, et donc nous, ça nous intéresse depuis toujours, depuis 11 ans. Quand un bébé naît et dans les premiers temps, on va le peser, regarder sa taille, etc. Mais comment, en fait, on le nourrit? Et aujourd'hui, à l'ère de l'exposition et de la surstimulation autour des écrans, quels sont nos moyens? Comment on peut vivre et partager des moments autrement? Et c'est là qu'on a tout le trésor de la littérature jeunesse et des contes qui viennent voilà, nous accompagner et vivre autre chose ensemble. C'est clair, c'est clair. On ne le rappellera jamais assez parce que c'est vrai que les écrans ont pris... alors, il y a des côtés très utiles, mais il y a des côtés qui font perdre certaines valeurs, certaines choses très intéressantes que sont la lecture, les contes et tout ce que tu viens de décrire. Autre chose ? Eh bien, non, tu as fait le tour. Non, mais vas-y, on est là pour prendre le temps. Parce que bon, je sais qu'il y a une actualité, mais on va faire un épisode spécifique à cette actualité. Mais tout ce qui concerne l'association du Chant des Histoires nous intéresse. Oui, alors ce que je voudrais dire aussi, c'est déjà aussi remercier toute l'équipe associative qui est au quotidien, notamment les bénévoles et aussi tous nos soutiens historiques, donc la ville d'Anglet, effectivement. Oui, vas-y, tu peux les nommer. Non, mais c'est important aussi de rappeler tous les soutiens qu'on peut avoir. Le travail aussi que l'on mène avec la CAF 64, qui accompagne toutes les actions que l'on mène autour de la parentalité. Ça, c'est très important. Et puis aussi, voilà, les soutiens que l'on peut avoir sur la partie spectacle vivant avec l'agglomération Pays Basque aussi. Et puis, depuis très longtemps aussi, la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture qui nous accompagne quand on a besoin d'acheter de nouveaux livres. D'accord. Ce qui est important aussi de dire, c'est que tout ça, c'est une chaîne, en fait. Nous, on est vraiment le lien entre le parent ou l'enfant, ou le professionnel et l'enfant autour des histoires et de la littérature. Mais avec nous, derrière, il y a tous ces auteurs, tous ces dessinateurs, illustrateurs, illustratrices qui font un travail extraordinaire, et dont on est les voix pour amener leurs œuvres auprès des tout-petits et des plus grands. Il y a aussi tous les libraires, et notamment les librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine, avec qui voilà, on choisit nos albums, etc. Donc voilà, il y a toute une chaîne importante et qui est importante à décrire ici. Exactement. Et ça a été fait. Voilà. Bon, bah écoute, Céline, je te remercie pour toutes ces informations. Maintenant, merci, on en sait davantage sur cette belle association qui est le Chant des Histoires. Et on se retrouve dans une autre interview pour une actualité un peu plus brûlante. Oui.